قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدر القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض بالحق، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عباد الله، هذه السورة التي سمعتم سورة عظيمة المعاني وعظيمة المباني، ذات وقع كبير في النفوس وملامسة للمشاعر، مخاطبة لها من واقع حالها ومآلها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها في المجامع العامة، في الصلوات الجهرية كقراءته لها ولسورة اقتربت، في صلاتي عيد الأضحى وعيد الفطر، وكثيرا ما يجعلها مادة وموضوعا لخطبة الجمعة. فقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهي في جملتها تركز على قضية كبرى، قضية البعث والمعاد، التي هي أصل من أصول الإيمان. فلا إيمان لمن أنكرها أو تشكك أو تردد في الإيمان بها. فهذه وأمثالها من سور وآي القرآن الكريم تخاطب أولئك القوم الذين أنكروا المعاد من الكفار والمشركين والملاحدة كالدهريين والطبعيين والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم، أو ترددوا في الإيمان به أو في شيء من أمره. تخاطبهم وتخاطب أمثالهم في أي زمان أو مكان كانوا. يقول سبحانه فيها محقرا تعجبهم مما لا يتعجب منه، ومجيبا لهم على شبهتهم التي لم تكن شبهة إلا لدى عمي القلوب وصم الآذان. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إلى قوله سبحانه بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وأوصافها وخلق الأرض وأوصافها وإنزال المطر وإنبات النبات، كذلك الخروج، أي كما تخرج هذه النبات يعني هكذا تبعثون. وينذرهم ويحذرهم سبحانه من آثار قولهم الشنيع ومنهجهم الفظيع المخالف والمغالط للبدهيات والمحسوسات التي يشاهدونها في آياتها في آياته الكونية، سيما المذكورة في الآيات القرآنية السابقة بقوله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أي شأنكم شأن أولئكم الذين كذبوا فحق عليهم وعيدي بالعذاب والعقاب. وأكد لهم سبحانه ما سلف بقوله أفعينا بالخلق الأول، وقوله في آية أخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعد إقامة الحجج القاطعة بالآيات القرآنية والسنن الكونية على رد شبهتهم، يذكرهم سبحانه بمراقبة الله ومتابعته لهم التي لا يخرج عنها طرفة عين، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وينقلهم بعد ذلك من صفحات الحياة ومشاهداتها للكون ومتابعة الله لها، ليذكرهم بما وراء ذلك من هول الاحتضار، الهول الذي لا محيد ولا مفر منه، بل وبما يتلوه من هول البعث وهول الحساب وهول العقاب وما بعده من استقرار في جنة أو نار. يقول سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وختام السورة يعود على صدرها ومحورها الأساسي وقضية المعاد، وما أقسم به وذكر به عليها، فقوله سبحانه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقبله في مطلع السورة جواب القسم المحذوف بعد قوله قاف والقرآن المجيد والمقدر لتبعثن. سيعتاب الله خني الله الله سبحانه وتعالى تيد القرآن ce qui signifie en français قاف par le Coran glorieux, mais il s'étonne que l'un des leurs leur vint comme avertisseur. Et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. Quoi? Quand nous serons morts et réduits en poussière, c'est-à-dire est-ce qu'on va être ressuscité? Ce serait revenir de loin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite,

il y aura là, c'est-à-dire dans le paradis, pour eux, tout ce qu'ils voudront. Et il y aura auprès de nous davantage encore. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et qui donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Et donc, ce sont quelques-unes des significations de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans cette grande sourate dans le Coran, sourate Qaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibad Allah, serviteur d'Allah, certes, cette sourate que vous venez d'entendre, c'est une des grandes sourates dans le Coran. Elle a un grand effet sur les âmes. Elle affecte les sentiments et les émotions. Et elle s'adresse aux émotions dans la réalité de son état et dans sa conclusion et sa destination, c'est-à-dire l'homme dans sa vie d'ici-bas et dans ce qui l'attend dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter cette sourate dans les assemblées lorsqu'il faisait la prière de Eid al-Adha et Eid al-Fitr, ou bien lorsqu'il faisait les prières à haute voix, il récitait cette sourate avec sourate Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Et il la récitait également très souvent dans Salat al-Jumu'ah. Et même que c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Hisham bint al-Harith ibn al-Nu'man, qui a dit: j'ai mémorisé Qaf wal-Qur'an al-Majid de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il la récitait sur le mimbar le jour du vendredi lorsqu'il faisait le sermon. Et donc il avait l'habitude, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter sourate Qaf sur le minbar presque à chaque vendredi. Et à un tel point que cette sahabiya, cette femme qui était une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle l'a mémorisé de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar, tellement il la récitait souvent. Et c'est quelque chose, malheureusement, on a perdu l'habitude de le faire. Donc c'est bien de faire revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate, lorsqu'on la récite, on constate qu'elle mentionne et elle parle d'un des grands sujets et des plus importants, des éléments parmi les plus importants au sujet des fondements de la foi, c'est-à-dire la résurrection. Et le rassemblement et le jugement après la mort et le paradis et l'enfer et tout ce qui a rapport avec le raïd, le monde de l'invisible, et en particulier la résurrection, puisque beaucoup d'entre les mouchriquins et les kuffars avaient des doutes ou bien rejetaient la foi, hein, la résurrection après la mort. Et ils disaient, comment est-ce qu'une fois qu'on est enterré dans la terre et qu'on est devenu os et poussière, comment est-ce qu'on peut revenir encore une fois à la vie? Donc ils trouvaient que c'était quelque chose d'impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne les preuves de ce qu'ils peuvent voir eux-mêmes dans la création. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les plantes et comment il fait tomber l'eau du ciel pour les faire pousser. Et comment ils meurent et comment ils reviennent encore une fois à la vie. Et surtout nous ici, yani, dans ce pays en particulier, on voit à chaque automne les feuilles qui meurent et qui tombent des arbres et les arbres deviennent sans aucune feuille pendant tout l'hiver. C'est comme si la nature était morte. Et puis on revoit la vie qui revient au printemps. Chaque année, les feuilles recommencent à pousser et la vie revient dans cette création que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et c'est un signe pour nous. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, de la même manière que je fais mourir, hein, la nature et la création, eh bien, je la fais revivre après, eh bien, c'est ainsi que je suis capable de vous recréer. Une fois que vous êtes devenus des ossements et de la poussière, de la même manière que je fais revivre la nature et les créations. Et donc, il leur donne des exemples et des preuves et des arguments qu'ils sont capables de comprendre par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent autour d'eux. Et malgré tout, ils refusent d'accepter la vérité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des exemples de d'autres peuples qui ont vécu avant eux et qui ont reçu des messagers et qui ont refusé de croire en eux et d'accepter le message des messagers. Puis ensuite, il les amène et leur fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit, il les entend, il les surveille, il est plus près d'eux que leurs veines jugulaires. Par sa science, par ses anges, il les voit, il les entend à chaque instant. Et même ce qu'ils pensent dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et il leur mentionne également qu'est-ce qui se passe par la suite, parmi les éléments et les événements effrayants du jour de la résurrection, et avant ça, de l'agonie de la mort, hein, et du jour de la résurrection, et des comptes que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander au jour de la résurrection, et les anges qui ont écrit tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait, tout cela nous est présenté au jour de la résurrection comme des preuves et des témoins contre nous. Et puis il nous parle également de l'heure du jugement dernier et qu'on soufflera dans la trompe et que tous les hommes seront rassemblés et jugés. Tout cela sont des exemples par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout ce qui va se passer dans l'au-delà et nous réveille le cœur par des rappels au sujet du raid pour revivifier notre foi. Et je me souviens encore lorsque j'étais encore nouveau converti à l'islam, ça fait plus que presque 25 ans maintenant, et la première fois que j'ai entendu la récitation de Surat Qaf, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que ça signifiait en l'écoutant, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas encore l'arabe. Alors j'ai pris la traduction des sens du Coran à côté de moi et j'écoutais en même temps la récitation en arabe. Et cette sourate m'a tellement affecté que j'ai voulu la mémoriser et l'apprendre par cœur. Alors j'ai fait une cassette, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les MP3 et des choses comme ça, donc c'était des cassettes. On écoutait le Coran. Et j'ai fait une cassette du début jusqu'à la fin, et sur les deux faces, seulement sur la Qaf. Et j'avais mon Walkman, donc je la mettais dans mes oreilles, je l'écoutais en allant à la mosquée.